Première allégresse sonore, d'où vient-elle? Ah, un camion publicitaire. Ce petit événement, mais non, c'est le marchand de gaz. Non, je sais pas d'où ça vient ce son. En tout cas, ça m'amène le terme d'allégresse sonore. Terme très simple, mais. Oui, c'est lui, c'est. On sait pas d'où vient la joie, hein. Mon Dieu, vient l'hôtel du gaz. Oui. Mais oui. Ah, c'est dingue. La joie vient du gaz. La joie vient du marchand de gaz. Ça, c'est complètement fou, cette histoire.